بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue donc notre cours aujourd'hui, le cours 57 dans le charh de Manzumat al-Adab al-Shar'iyya du Cheikh al-Mardawi avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. On est toujours dans le chapitre Hukm al-Akli wal-Masajid, le jugement au sujet de manger et le jugement au sujet des mosquées. Donc, on était en train d'expliquer au dernier cours certaines règles à propos des mosquées. Et on continue donc à ce sujet. Donc, le Cheikh al-Mardawi, il dit « Wa yahrumu bay'un fihi thumma shira'uhu wa wajhani fi tashihi bay'in mu'aqqadi » Donc, ça, c'est un vers ici qui clarifie le jugement au sujet du fait de vendre ou d'acheter dans la mosquée, à l'intérieur de la mosquée. Et que le fait que ça, c'est quelque chose qui est interdit. Donc, il dit « Wa yahrumu bay'un fihi ». Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit « Nuhya anil bay'i wa shira fil masajid. Wa iza hasala fiha bay'un, faqad ikhtalafa al-ulama. Hal yabtul al-bay' wa la yan'aqid, am yan'aqid ma'at-tahrim wal-ithm. » وعلى كل حال لا يجوز البيع والشراء في المساجد لأنها لم تبنى للبيع والشراء وإنما بنيت لذكر الله عز وجل وكذلك تصان عن إنشاد الضالة من له شيء ضائع لا يجوز له أن يقول من رأى هذا الشيء المساجد لم تبنى لهذا. Donc ici, le Cheikh Al-Fawzan, il explique que on a interdit, donc l'islam interdit de vendre et d'acheter dans les mosquées. Et s'il y a une vente qui a eu lieu dans la mosquée, les ulama ont divergé à savoir est-ce que le contrat de vente est valide ou est-ce qu'il n'est pas valide. C'est-à-dire que malgré son interdiction et malgré le péché, est-ce que on va dire que le contrat de vente a été conclu et qu'il est valide ou non? Et le cheikh, il dit, de toute façon, il n'est pas permis de vendre ni d'acheter dans la mosquée. Parce que les mosquées n'ont pas été bâties dans le but de faire du commerce, de vendre ou d'acheter. Mais elles ont uniquement été bâties pour le rappel d'Allah. Et donc, également, une autre chose, c'est qu'on doit protéger aussi les mosquées du fait de vouloir aussi demander ou appeler dans le sens que de faire des appels dans les mosquées pour les objets qui ont été perdus. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de faire ça. C'est-à-dire que si quelqu'un a perdu quelque chose dans la mosquée, un objet ou quelque chose, il n'a pas le droit de dire qui a vu tel ou tel objet. Il dit parce que les mosquées n'ont pas été bâties pour ça. D'accord? Donc ça, c'est important. Il y a un hadith là-dessus. Peut-être un petit détail à mentionner par rapport à la question de la vente et de l'achat. Parfois, les gens posent la question lorsqu'il y a dans la mosquée ou à côté de la mosquée une salle ou un local qui est collé à l'intérieur, qui est, disons, séparé de la mosquée, séparé de l'endroit où on prie, et qui est fermé, d'accord? Et dans cet endroit-là, parfois, on va trouver des livres, des contenus ou des choses qui sont à vendre, des choses islamiques ou des choses religieuses, des livres religieux, des choses de ce genre. Donc, certaines personnes demandaient le jugement au sujet de pouvoir acheter ou de vendre dans ces endroits-là ou dans cette place-là qui est séparée de l'endroit de là où on prie dans la mosquée. Et la question avait été posée à des savants et ils ont dit que ce n'était pas calculé comme faisant partie de la mosquée. Donc, à ce moment-là, c'est permis de vendre et d'acheter dans ces endroits-là. Comme par exemple, la librairie qui est disons collé à la mosquée, mais à l'extérieur, disons séparé de l'endroit où on prie. Donc, le vers suivant, le cheikh il dit wa in yubna ma bayna al maqabir masjidun wa in yubna ma bayna al maqabir masjidun fa harrim wa fil mabni min qabliha sjudi wa fil mabni min qabliha sjudi. شيخ الفوزان يلكسبليك مننا يلدي وكذلك من أحكام المساجد أنها لا تبنى على القبور وهذا شيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله ولعن الذين يبنون المساجد على القبور لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك وهذه طريقة اليهود والنصارى أنهم يبنون المساجد والمصليات على قبور الصالحين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فإذا وجد مسجد مبني على قبر فإن كان القبر هو السابق والمسجد حادث فإنه يهدم المسجد ويترك القبر وإن كان العكس المسجد هو القديم والقبر محدث فيه فإن القبر ينبش وينقل إلى المقابر ويفرغ المسجد من القبر ويفرغ المسجد من القبر أما أن تبقى المساجد على القبور فهذا فعل اليهود والنصارى وهذا وسيلة من وسائل الشرك. Donc ici le cheikh il clarifie que le jugement au sujet de construire ou bien plutôt le jugement au sujet des mosquées, c'est qu'on n'a pas le droit de les construire sur des tombes. Hein? On n'a pas le droit de construire une mosquée sur une tombe. Et quand on dit une mosquée, c'est-à-dire yani, un endroit dans lequel on fait la salat. Et on n'a pas le droit, même si c'est un endroit où on ne fait pas la salat, on n'a pas le droit de construire de bâtiments, de mausolées, ou quoi que ce soit au-dessus d'une tombe, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça. Hein, donc même si on ne prie pas dedans, on n'a pas le droit de faire des lieux hein, dans lesquels les gens peuvent rentrer, ou dans lesquels il y a un bâtiment, ou une construction, ou une pierre tombale avec des décorations, ou des choses de ce genre, ou des dômes, ou autres. On n'a pas le droit de faire ça sur la tombe. Et le cheikh, il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de ça, et non seulement il a interdit, mais il a maudit celui qui le fait. Et il a maudit ceux qui bâtissent des mosquées sur les tombes. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim aussi. Il y a des hadiths à ce sujet, de nombreux hadiths, comme le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La'natullahi ala al-yahoud wa al-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid » Hein? Il y a beaucoup d'autres hadiths aussi à ce sujet-là. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes et de leurs hommes pieux comme des lieux de culte, comme des endroits d'adoration, comme des mosquées. Et donc ça, c'est des moyens. Hein, et c'est des voies vers le shirk, c'est des moyens de tomber dans le shirk, et c'est la voie des juifs et des chrétiens parce qu'ils construisent les mosquées et les mausolées sur les tombes des hommes pieux et sur les tombes des prophètes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a averti à ce sujet là, il a interdit cela. Et donc le jugement à propos de ces choses là, c'est que si on trouve une mosquée qui a été bâti sur une tombe, eh bien, on regarde lequel des deux était en premier. Donc, si la tombe était en premier et que la mosquée a été construite par la suite, à ce moment-là, on va détruire la mosquée et on va garder la tombe. Tandis que si c'est le contraire, c'est-à-dire que la mosquée était, auparavant, la mosquée existait, c'est elle qui était en premier, et on a par la suite enterrer quelqu'un dans la mosquée, alors à ce moment-là, on doit déterrer hein, la tombe et la déplacer. Hein, c'est-à-dire la déplacer à un endroit à l'extérieur, c'est-à-dire la mettre dans le cimetière. Donc, on va déplacer la tombe qui a été mise à l'intérieur de cette mosquée. On va la mettre dans le cimetière et on va garder la mosquée. Donc, il faut que les mosquées soient vidées de toute tombe. Et il dit, en ce qui concerne, donc, si par contre on laisse les mosquées bâties sur des tombes, eh bien, à ce moment-là, on a imité les Juifs et les chrétiens dans ce qu'ils font. Et ça, c'est un moyen de tomber dans le shirk. Ensuite, le vers suivant, le cheikh, il dit « Wala ba'sa in salla li mayyitin bi masjidin wa in shadu shi'rin min mubahin li munshidi. » Donc ici, on va expliquer dans ce vers qu'est-ce que ça signifie. Le cheikh, il dit, cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit « Tubahu salatu ala al-janaizi fil masjid » وإن سلي عليها خارج المسجد فهو أحسن وقد فعل هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلى على الجنائز في المساجد في وقتهم وقوله وإنشاد شعر من مباح لمنشدي وكذلك يجوز في المسجد إنشاد الشعر النزيه الذي ليس فيه كلام باطل ليس فيه غزل وليس فيه مجون ولا أغراض سيئة وقد أنشد في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد عند الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد ويتخذ له منبر أو منبر يلقي عليه قصائده في المسجد عند الرسول صلى الله عليه وسلم لأن شعر حسان رضي الله عنه دفاع عن الإسلام ورد على المشركين فهو من الجهاد في سبيل الله أما إذا كان الشعر ماجنا أو محرما فلا يجوز إنشاده في المساجد ولا في غيرها وفي المساجد أشد تحريما وفي المساجد أشد تحريما. Donc ici le cheikh il explique que yani, il est permis de faire la salat, yani, la prière des funérailles, salat al-janaza, dans la mosquée. Et il dit, tandis que si on prie à l'extérieur de la mosquée pour la janaza, c'est bien, hein, il dit c'est mieux même, mais il dit c'est permis de faire la janaza à l'intérieur, c'est-à-dire de prier sur le mort à l'intérieur de la mosquée. Parce que c'est ce que faisaient les sahaba du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont prié plusieurs prières funérailles dans les mosquées à leur époque. Il dit ensuite qu'il est permis également de réciter des poèmes qui sont licites dans la mosquée. Il dit de même qu'il est permis dans la mosquée de réciter des poèmes qui sont propres, dans lesquels il n'y a pas de paroles qui sont fausses, et dans lesquels il n'y a pas de sérénades ou bien des paroles indécentes ou bien des intentions qui sont mauvaises ou des mauvaises qui ont des objectifs mauvais. Donc si on récite un poème qui est propre, alors à ce moment-là il n'y a pas de mal. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait l'exemple de du compagnon radiyallahu anhu, Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu, qui récitait parfois des poèmes en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et yani, il prenait même le minbar pour monter dessus et réciter les poèmes dans la mosquée en présence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir aussi que les poèmes de Hassan radiyallahu anhu étaient des poèmes dans le but de, qui avaient pour but de défendre l'islam et de réfuter les mouchriquines. De réfuter les mouchriquines. Et ça fait partie donc, à ce moment-là, de la lutte dans le sentier d'Allah et du djihad. Donc c'est des poèmes dans le but de défendre la vérité et de réfuter le faux. Et il dit, tandis que si ce sont des poèmes dans lequel il y a des paroles interdites des paroles obscènes ou des paroles mauvaises, hein, à ce moment-là, ce n'est pas permis de les réciter dans la mosquée ni ailleurs. Mais dans la mosquée, c'est encore plus grave, hein, c'est encore plus haram qu'ailleurs. Ensuite, Cheikh Al-Mardawi, il dit وَكُلْ جَالِسًا فَوْقَ الْيَسَارِ وَنَاصِبٍ وَنَاصِبِ الْيَمِينِ نعم. وَكُلْ جَالِسًا فَوْقَ الْيَسَارِ وَنَاصِبِ الْيَمِينِ وَبَسْمِلْ ثُمَّ فِي الْإِنْتِهَاءِ أَحْمَدِ ثُمَّ فِي الْإِنْتِهَاءِ ثُمَّ فِي الْإِنْتِهَاءِ أَحْمَدِ وَيُكْرَهُ سبق القوم للأكل نهمة ولكن رب البيت إن شاء يبتدي. Donc ici, le cheikh il explique les deux vers. Le premier, c'est à propos de des règles de la nourriture, hein, les bonnes manières lorsqu'on mange. Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit wa yaqulu min adab al-akl idha aradta an ta'kul فاجلس على رجلك اليسرى وانصب اليمنى وكن مستوفزا لا متكئا وتبدأ ببسم الله كما قال صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك فتبدأ ببسم الله لتحل البركة في الطعام وهي تطرد الشيطان لأنك إذا لم تسمي أكل معك الشيطان وزالت البركة وزالت بركة الطعام. Donc il explique le cheikh ici que parmi les étiquettes et les belles manières de manger, hein, lorsque tu veux manger, eh bien il est recommandé de s'asseoir sur ton pied gauche alors que ta jambe gauche est redressé. Donc c'est comme si quand tu t'assois, tu t'assois sur ton pied gauche et tu gardes ta jambe droite. En tout cas, tu gardes cette partie droite. Et il dit ensuite, tu dis Bismillah. Hein? Avant de manger, tu commences en disant Bismillah. Et il dit, tu ne vas pas te... Il a t'attaqué. Ça veut dire que tu ne vas pas t'accouder ou t'allonger sur le côté, t'appuyer sur le côté ou sur quelque chose. Tu dois manger assis droite. Et il dit, tu commences donc en disant le bismillah, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sammillah wa kul biyaminik. C'est-à-dire, dis le nom d'Allah, bismillah, et mange avec ta main droite. Il dit, si tu ne débutes pas par le nom d'Allah, avec le nom d'Allah, eh bien, la bénédiction va yani, être présente dans cette nourriture-là. Il dit, tandis que si tu ne dis pas « Bismillah », eh bien, le shaitan, il mange avec toi. Tandis que quand tu dis « Bismillah », eh bien, « Wa alaykum salam wa rahmatullah », quand tu dis « Bismillah », ça chasse le shaitan. Hein? Et si tu ne dis pas Bismillah, le shaitan il mange avec toi et la baraka elle ne sera pas présente dans cette nourriture. Ensuite, il explique le vers suivant. Il dit وَيُكْرَهُ إِذَا حَضَرُوا لِلطَّعَامِ أَنْ يُكْرَهُ إِذَا حَضَرُوا لِلطَّعَامِ أَنَّكَ تَمُدُّ يَدَكَ قَبْلَ الْحَاضِرِينَ لِأَنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى النَّهْمِ وَالْجَشَعِ وَسُوءِ الْأَدَبِ فانتظر حتى يبدأ الناس ثم تبدأ معهم أما الذي قدم الطعام فلا يكره في حقه أنه يبدأ من أجل أن يكون ذلك بمثابة الإذن لهم. Donc ici le cheikh explique qu'il est déconseillé de lorsque la nourriture est posée, lorsque la nourriture est présentée, il est déconseillé de tendre sa main avant le reste des gens qui sont présents. Parce que ça indique de la gourmandise et comme si quelqu'un qui est gourmand et glouton, quelqu'un qui mange trop. Et ça, c'est un mauvais comportement. Alors, il faut attendre que les autres commencent, que les gens commencent, puis on commence en, avec eux. Il dit, tandis que celui qui a donné la nourriture ou qui a présenté la nourriture, qui sert la nourriture, eh bien lui, dans son cas, c'est permis, non, c'est permis pour lui de manger en premier ou de commencer en premier. Et quand il commence à manger, c'est comme si ça donne la permission pour les autres personnes de pouvoir débuter à manger eux aussi. Ensuite, le Cheikh Al-Mardawi, il dit وَمِنْ قَبْلِ مَسْحٍ فَالْعَقِ الْيَدِ وَالْإِنَا يُبَارَكْ وَيَسْتَغْفِرْ لَكَ الصَّحْنُ أَسْنِدِي وَكُنْ رَافِعًا قَبْلَ الْقِيَامِ الطَّعَامَ قَدْ نُهِي عَنْ قِيَامٍ قَبْلَ رَفْعِ الْمُمَيَّدِ وَجَمْعٌ عَلَى الزَّادِ الْعِيَالَ لِيَزِدْ نَمَا لَهُمْ وَنْهَهُمْ عَنْ أَكْلِهِمْ بِتَفَرُّدِ. Donc ici, dans cette partie-là, il y a trois vers. Et il y a le dernier, aussi on va le lire en même temps, puisque c'est le dernier. وَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْبَ الْفَتَى قُوتَ أَهْلِهِ لِعَامٍ وَفِي ذَا بِالنَّبِي لِيَقْتَدِي. Donc ça, c'est quatre vers. On va lire leur explication. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, كَذَلِكَ مِنْ عَدَابِ الْأَكْلِ أَنَّكَ إِذَا فَرِغْتَ تَلْعَقْ أَصَابِعَكَ قَبْلَ أَنْ تُغْسِلْهَا بِالْمَاءِ لِأَجْلِ أَنْ لَا يَبْقَى عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ فَيَذْهَبُ مَعَ الْمَاءِ وَلِأَنَّ هَذَا فِيهِ بَرَكَةٌ وَكَذَلِكَ تَلْعَقُ الْإِنَاءُ وَيَقُولُ كَذَلِكَ إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُرْفَعَ الطَّعَامُ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّاسُ وَلَا يَقُومَ النَّاسُ ثُمَّ يُرْفَعَ الطَّعَامُ بَعْدَهُمْ وَيَقُولُ وَيَنْبَغِي أن تجمع الأولاد على الطعام ولا تتركهم متفرقين كل واحد يأكل وحده فإن الاجتماع على الطعام بركة ونماء للطعام ومن حسن تأديب الأولاد أنك تؤدبهم على الاجتماع ولا تتركهم يأكلون متفرقين ولا بأس أنك تدخر من الطعام ما يكفيك لسنة كاملة وقد فعله النبي sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va traduire ces passages-là. Le cheikh, il explique maintenant que parmi les bonnes manières aussi dans ce qui a rapport avec la nourriture et le fait de manger, lorsque tu termines de manger, tu peux lécher tes doigts, hein? Tu peux lécher tes doigts avant de les laver avec de l'eau, et dans le but de faire en sorte qu'il ne reste plus rien de la nourriture, hein? Et aussi parce qu'il y a dedans une bénédiction. Il y a une bénédiction. Et aussi, c'est recommandé aussi de lécher l'assiette ou le plat. Et également, il est recommandé de retirer le plat avant que se lèvent les gens. Et de ne pas laisser les plats avant que... de ne pas laisser les plats alors que les gens se sont levés. Et il dit ensuite qu'il faut également apprendre aux enfants à manger ensemble, hein, de ne pas les laisser séparer, chacun manger tous, en train de manger seul, ou manger chacun seul, plutôt de les réunir ensemble autour de la nourriture pour que la nourriture soit augmentée, la quantité soit augmentée, et aussi parce que ça fait partie des bonnes manières à apprendre aux enfants de les éduquer à être réunis et à se réunir et à se rassembler, et non pas de les laisser manger séparément. D'accord? Parce que surtout des gens qui sont, par exemple, habitués en Occident à manger chacun avec son propre assiette. Chacun, il a son propre assiette et tout le monde mange individuellement. Ça, c'est contraire en même temps aussi à la sunna, puisque la sunna, c'est que tout le monde mange dans le même plat, dans le même assiette ou dans le même plateau, et non pas chacun avec son assiette individuelle. Yani, malheureusement, on est parfois, on adopte des traditions parfois qui nous éloignent de la sunna. Donc, c'est bien de nous rappeler des principes islamique et des bonnes manières islamiques pour justement essayer de changer nos habitudes et d'adopter des habitudes qui sont plus en accord avec notre religion. Il dit pour terminer qu'il n'y a pas de mal de yani d'accumuler ou de disons d'emmagasiner la quantité de nourriture suffisante pour la durée d'une année complète. Donc, quand on parle de nourriture ici, c'est en général, yani, qu'est-ce que les gens utilisent pour cuisiner, qu'est-ce qu'ils mangent tous les jours, comme par exemple, si c'est du riz, alors ils accumulent la quantité de riz nécessaire, si c'est de la farine ou du blé, ils accumulent cette quantité-là, ou si c'est par exemple yani, de la semoule ou autre, donc ils peuvent emmagasiner cette quantité pour une année. Hein, puis il l'utilise au cours de l'année, au fur et à mesure. Donc ça, c'est qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait également. Et c'est rapporté par An-Nasa'i dans Sunan al-Kubra. Donc ça, c'est ce qui termine le chapitre en question. Le chapitre suivant, c'est Ihtikar al-Qut wa Ikram al-Dayf wal-Jar. Donc c'est-à-dire le fait d'emmagasiner ou d'entreposer la nourriture et la générosité envers l'invité et le voisin. Mais on ne va pas commencer ce sujet-là tout de suite. On va laisser ça pour le prochain cours, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici et au prochain cours, on continuera avec le nouveau chapitre. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.